on va passer à la next gen. Avant de commencer, j'aimerais juste insister sur un petit point. VR4Player, au départ, ça a été mis en place par Laurent pour traiter du PSVR. Le PSVR, où est-ce qu'il est ? Il est sur PS4. Malheureusement, Microsoft, dans sa politique en ce moment et dans ce qu'il a l'air d'avoir envie de proposer plus tard, n'est pas intéressé par la réalité virtuelle. Ça ne veut pas dire qu'on est des pro-Sony. Sony, parfois, et on ne se gêne pas pour le dire ici, nous casse grave les couilles dans sa communication notamment, et dans d'autres détails qu'on ne supporte pas chez Sony. Voilà, seulement, voilà. Nous, on parle de PSVR. On a fait plusieurs articles qui fracassaient pas mal Sony dans les trois dernières années, quand même. Voilà, il y a eu plusieurs articles, plusieurs dossiers. On en a déjà parlé en émission. On n'est pas pro-Sony. On est spécialisé Sony. Exactement, mais par défaut presque. Parce que nous, ce qu'on voudrait, et ça aussi, on le dit suffisamment. Oui, tu fais de la VR, c'est ça que je veux. Et on le répète, c'est que si Microsoft lançait dans la VR, on serait ravis justement de pouvoir... en parler et de pouvoir discuter un petit peu même avec des professionnels de chez Microsoft. Ce n'est pas le cas. Donc, on fait un petit peu de PC, parce que certains sont équipés dans l'équipe, mais c'est du bonus, en fait. C'est pas notre cœur rédactionnel. Donc, quoi qu'il en soit, nous, ce soir, on va essayer d'expliquer, parce que certainement qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur ces nouvelles informations qu'il y a eu sur la PS5, on va revenir avec quelqu'un qui s'y connaît bien, donc Johan et Laurent aussi, qui n'est pas le dernier au niveau technique. On n'essaie pas de dire la PS5 elle est meilleure que la Xbox Series X, ça on n'en sait rien. Mais on veut juste expliquer un petit peu nous ce qu'on a compris sur notamment les dernières choses qui ont été communiquées par Marc Cerny et toutes les informations qui ont précédé. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour mettre les points sur les i. Donc, première partie, la communication de Sony. Ah. Voilà, ah. Déjà, donc, alors, on va là, commencer par... On va pouvoir tous intervenir. Voilà. Microsoft 1, Sony 0. Voilà. Et ben là, clairement, ouais. Là, clairement. Ouais, oui. C'est ça. En tête des points, non, c'est nul les points. C'est pour l'actu. On va voir, vous allez voir. Donc, Excuse-moi, Laurent, il faut préciser dans ce débat que Yo-Yo et toi, vous êtes les techs et que Sey et moi, on est les casus, quoi. Tu vois, nous, les gros casus. Voilà. Moi, je connais rien, je comprends rien. Donc, Johan, c'est le vrai intervenant technique par rapport à Johan. Mais bon, j'ai quelques connaissances, donc ouais, voilà. Mais vraiment technique, on va dire que c'est Johan. Et puis, pour la communication, par contre, tout le monde peut participer, parce que tout le monde a été touché par cette vidéo de Marc Cerny. Alors déjà, qui était très clair. Première chose, c'est qu'on a, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'historique de Sony et de sa marque PlayStation, on n'a jamais été habitué à ce genre de com. Un peu fait à l'arrache, hein, faut le dire. On va en parler de toute façon. C'est vrai que Sony ont tendance à savoir exactement. C'est une horloge suisse. Hein. Ils savent très bien quand c'est qu'ils vont commencer à teaser, quand c'est qu'ils vont commencer à balancer des petits éléments pour faire monter la sauce. Ils vont te balancer un trailer, mais un truc de malade dans la figure sans prévenir. Donc on les connaît depuis pas mal d'années, on sait qu'ils aiment bien jouer avec tout ça, faire monter la... Et puis au milieu, il y a eu le corona au milieu. Et là, au niveau des... Alors déjà, avant, ils avaient déjà dit qu'ils ne seraient pas à l'E3. Premier point. Et avant ça, on sait aussi qu'il y a eu pas mal de chamboulements en interne chez Sony. Ça peut aussi, on se dit... La PS5 était déjà pratiquement sur la phase de lancement, qu'il y avait encore des têtes qui sautaient chez Sony. On n'a jamais vraiment su pourquoi. Donc suite à ça, voilà, ça a commencé comme ça. On a su qu'ils n'étaient pas pour le 3. Et puis le coronavirus s'est invité au milieu. Et puis toutes les manifestations qui étaient au départ censées arriver ne sont pas arrivées. Au final, on se retrouve avec une période de, on va dire, à peu près 6 mois sans aucune manifestation, et ça va peut-être durer, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va continuer. Il y a peut-être d'autres choses qui vont sauter plus tard. Pour l'instant, on sait juste qu'ils seront à la Gamescom à Cologne, si tout va bien au mois d'août. Et donc, la GDC, Sony devait y être présent. On sait que c'est un salon qui est quand même réservé aux développeurs. Donc, c'est pas ouvert au grand public. Et donc, eh ben, Marc Cerny devait intervenir pour faire son discours durant la GDC. GDC annulée, ça ne s'est pas fait. Il y a eu quelques semaines qui sont passées, quelques temps qui est passé entre-temps. Et Sony ont été pas mal critiqués sur le fait que, justement, ils avaient annoncé le discours de Marc Cerny dans une vidéo au monde entier. Donc forcément, tous les joueurs sont montés en pression parce que ça fait tellement longtemps qu'ils attendent. Et cette pression est augmentée parce que Microsoft martèle de l'autre côté. Donc eux, ils veulent savoir... il ne faut pas se mentir, il y a des joueurs qui n'ont pas les moyens d'avoir les deux consoles. Donc il y en a, ils ont déjà une PS4. Ils se disent, ben moi, ce que je veux savoir, c'est la suite sur la PS5. Quoi. Et les joueurs Xbox, pareil, qui vont rester chez Xbox parce qu'ils aiment Xbox. Et le souci, c'est que toute cette attente, ben, on a vu, hein, ça a commencé à générer sur les réseaux sociaux pas mal de rumeurs en tout genre, ça partait dans tous les sens. Et puis là, on nous annonce que Cerny va enfin parler. Donc on dit, c'est bon, les 2 mois d'attente sont terminés, parce qu'il y avait des grosses rumeurs qui disaient que le 4 février, Sony allait communiquer, puis le 5 et le 6 et le 7 et le temps passe, et puis on n'a aucune nouvelle. Donc les gens étaient, à mon avis, montés, mais comme des cocottes minutes. Et personne n'a percuté que c'était... Pourtant, au début, c'était annoncé que c'était le discours qui était prévu pour la GDC, mais on ne l'a pas perçu comme ça. Et c'est là où il y a eu un couac. C'était perçu comme des annonces sur la PS5 que tout le monde allait comprendre. Quoi. C'était même ça. C'est qu'il y avait même des gens, quand ils ont dit « Ah, c'est bon, on va voir le design. » Ça a été sur IP, ouais. Ça s'est parti dans tous les sens. Parce que le tweet était très clair. Avec le recul, le tweet était clair, mais même nous, je pense qu'il y a un moment où on s'est dit « Putain, qu'est-ce qu'il va nous annoncer ?» On a rêvé, mais bon, c'était vraiment l'architecture de la PS5 en profondeur. On entendait trop. Johan, tu voulais tout le dire ? Ouais, bah c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais après ça, on peut toujours revenir sur ce qu'on appelle les influenceurs, qu'on aime le terme ou pas, ça c'est autre chose, mais qui ont beaucoup parlé du reveal de la PS5. On l'a vu partout, quoi, vraiment. Limite, ça allait être la présentation. Beaucoup pensaient qu'on allait voir la manette, etc. Puis c'est vrai que la problématique qu'il y a, Laurent en parlera mieux que moi. Mais c'est vrai que quelque part, Marc Cerny, il a fait ni plus ni moins que de rentrer, alors là pour le coup c'est vrai, en profondeur sur ce qu'il avait dit, en fait, de l'architecture de la machine, en avril 2019. Donc il est vraiment allé au fond des spécificités qu'il avait données. Mais sauf que ces spécificités, elles s'étaient accompagnées de, voilà, on vous montre Spider-Man, voilà, là sur PS4 Pro, il met 15 secondes à charger, là sur la PS5, il met 0,84 secondes, et puis après il y avait eu un article en octobre où là les mecs ils avaient pu tester un jeu de chez Bluepoint, je crois qu'ils avaient pu tester Gran Turismo 7, et puis ils avaient pu tester aussi le côté haptique de la manette, les retours de force, enfin, ils avaient pu tester des choses. Non, le Gran Turismo, c'est Gran Turismo Sport qu'ils ont testé avec la manette de la PS5. Gran Turismo Sport, je suis trop avancé, mais enfin, du moins, ils avaient pu tester des fonctionnalités de la PlayStation 5, avec des jeux PS4. Bon, Spider-Man, on sait que c'est un jeu PS4. Gran Turismo Sport, du coup, c'est aussi un jeu PS4. Ils ont parlé du jeu de Bluepoint. Alors, je sais pas s'ils y ont vraiment joué ou pas, mais ça, on sait que c'est une exclusivité qui a l'air d'être travaillée pour la PS5. Mais ils ont pu voir des choses, en fait. Et je pense que ce qui a manqué à cette conférence, c'est que Cerny, il prenne une manette à un moment, il a beaucoup parlé du SSD, je crois 23 minutes, ouais. Bah, c'est con qu'à un moment, il n'ait pas pris une manette, même une manette de PS4 à la limite, tant pis, mais qu'il montre quelque chose sur du temps de chargement, enfin quelque chose. Alors, en fait. Je suis d'accord avec toi, et tu vois, il y en a beaucoup, je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi. Il y en a beaucoup qui ont justement craché un peu là-dessus en disant, oui, ils auraient dû nous montrer du Spider-Man, voir ce que ça donnait sur PS5 et tout ça. Mais comme tu l'as précisé juste avant, on l'a déjà vu. Donc en fait, c'est des petits bouts de com' assurés les uns derrière les autres qui ont été faits pendant un an, là. Mais en fait, les gens demandent à revoir quelque chose qu'ils ont déjà vu. C'était pas une conférence publique. je mets. Non, non, mais je sais, mais ouais, dans le résultat, quand Yuan, il dit ils auraient dû montrer des temps de chargement sur des jeux PS4 mis sur PS5. Mais c'est une donnée qu'on a déjà vue, qui a déjà été prouvée. Si on va plus loin dans le truc, quand Microsoft a fait la démo du sien pour la vitesse de son SSD, il y avait 20 secondes, je crois, je ne me rappelle plus du nom du jeu qu'ils ont présenté, mais enfin, State of Decay 2. State of Decay 2, ouais, merci. Et il met 20 secondes à charger sur Series X quand il en met 50 sur One X. Donc, eux, c'est pareil, ils ont montré un jeu là-dessus, si tu veux. Aujourd'hui, si on doit comparer purement et simplement la com de Microsoft et de Sony, Sony avait pris beaucoup de retard, puisque Microsoft, ils ont montré la console et un trailer au Game Awards. PlayStation, ils ont montré juste un jeu qui n'est pas une exclue, puisque ça sortira le logo, aussi sur PC. Le logo. Ils ont ensuite balancé le logo, l'appareil où il y avait eu méga hype. Bon, là, ils ont. Oui, ouais, ça a trollé à fond. Il y a raison. Voilà, on va pas refaire le game. Mais ce que je veux dire, c'est que. Et ils ont présenté les spécificités techniques de la console il y a 15 jours ou 3 semaines. Sony, aujourd'hui, ils ont rattrapé le game dans le sens où on connaît les specs, on connaît plus en profondeur le principe de fonctionnement de la console. Le seul truc qu'on n'a pas vu, c'est le design. Et d'exclus, entre guillemets. Mais sinon, à une semaine d'écart, si tu veux, ils sont quasi équivalents. Et qui plus est, la vidéo qu'on a vue de Hellblade 2 au Game Awards, c'est une vidéo in-engine. C'est pas le jeu à proprement parler. Donc c'est pareil, c'est une démo technique, si tu veux. Donc on n'a pas non plus vu énormément de choses. Donc je trouve que le retard qu'ils avaient pu prendre, ils l'ont quand même bien rattrapé. Aujourd'hui, pour moi, il manque un jeu, enfin une exclue à montrer, et la console. Voilà. Après, niveau spécificité technique, on les a. La manette, on l'a pas vue. Mais bon, celle d'Xbox, vraisemblablement, c'est la même que sur la génération précédente. Enfin, à part le bouton share, il n'y a pas, enfin, dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de spécificité supplémentaire. Donc, pour moi, la guerre de la com, elle est faite différemment, c'est sûr, mais ils sont pas si loin que ça l'un de l'autre. Hein. Il manque quand même pas mal de choses côté PS5, hein, niveau technique. La fiche technique, elle est pleine de trous. Ouais, mais t'as les grandes ça, lignes. On le verra dans la partie technique. De toute façon, t'as le détail essentiel, t'as les teraflops. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, il y a juste ça qu'il fallait dire, parce que le reste, tout le monde s'en foutait. C'est exactement ça. Alors, par contre, niveau communication, alors moi, il y a un truc qui m'a marqué vraiment, qui m'a choqué quand on a vu ça, c'est que habitué à même regarder les vidéos de State of Play ou n'importe quelle vidéo de Sony, en général, c'est relativement bien foutu. Là, on est sur une conférence sur fond vert. Avec un pupitre qui n'est rien d'autre qu'un pupitre sorti d'une banque d'images avec un ordinateur Vaio sur le pupitre, sachant que Sony ont revendu Vaio. Tournant sous Windows 95. Sachant surtout que Sony ont revendu Vaio en 2014. Donc on se dit, tiens, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, quoi, qu'ils utilisent ça. Le fond vert, pas trop bien fait. Au niveau même de l'éclairage, c'était moyen, parce que le détourage du fond vert, il n'est pas parfait. Donc on a vraiment une impression que ça a été fait à la va-vite, quoi. Vraiment à la va-vite. C'est Jim Ryan qui filmait. C'est qu'on a l'impression qu'ils étaient deux dans l'usine, que tous les autres étaient confinés et qu'ils ont dit oh, putain, il faut vraiment qu'on communique. Et puis, bah, tu prends le caméscope là, allez hop, on y va. Avec le public en carton devant, c'est qu'il y a deux mecs qui bougent sur les côtés. Et c'est une des hypothèses on en a parlé entre nous. Le 17 mars, donc déjà le 16 mars, j'étais en train de regarder le cours de bourse de Sony Corporation et je dis c'est bizarre parce qu'il va toucher donc on a ce qu'on appelle des minimums à la baisse et des maximums, donc ça forme un couloir et le cours de bourse reste dans ce couloir et s'il touche le minimum, il y a de grandes chances que c'est un support, que le support casse et que l'action elle dégringole vraiment violemment. Et là, au 17 mars, on était sur ce support. Donc soit ils communiquaient, soit en plus avec le coronavirus qui inquiète tout le monde, ben, y a pas, en gros plus il y a de gens qui achètent des actions, plus ça va monter, plus ils vont vendre, plus ça va descendre. Et donc il était prêt à toucher ce support-là. Et ce support, on ne l'avait pas retouché depuis un bon bout de temps. Hein. Là, je parle en 12 mois, même plus que ça. Je dois avoir la courbe. Et donc, je vous ai dit, depuis avril 2019, le support n'avait pas été touché. Rigolo, parce que le 16 avril 2019, Marc Cerny avait communiqué. Donc c'était la première fois qu'il avait communiqué sur la PS5, c'était le 16 avril 2019. Et on s'aperçoit que juste avant sa communication, ben on était dans le même cas de figure que justement au mois de mars 2020, autour du 17. Et donc là, suite à sa communication, les actionnaires, qu'est-ce qui leur arrive? Ils disent, bon, ben là, il n'y a plus beaucoup de jeux, les ventes sont en chute libre, la PS4 ne fait plus rêver. Pouf, il annonce la PS5, les actionnaires reprennent confiance, ils achètent de l'action, parce qu'ils savent que la PS5, ça va se vendre, donc ils achètent. Là, l'action était montée, jusqu'à peu près au mois de février, même après le mois de février. Et au final, le coronavirus, blam, tout dégringole. Et c'est au moment où on retouche ce support que je dis, il faut faire un article, il va se passer quelque chose. On publie l'article, et au moment où l'article est publié, pouf, il y a Sony qui balance au même moment, demain, Marc Cerny prendra la parole. Donc, à mon avis, c'est possible qu'il y ait eu... du monde à la tête de Sony qui est dit « Oulala, l'action se dégringole, les actionnaires sont pas contents, il faut intervenir » et qu'à la va-vite, ils aient dit « Bon, on fait un truc rapido pour relancer le truc ». C'est une hypothèse comme une autre. Il y a certainement pas que ça. Mais bon, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Et puis finalement, ça se confirme parce que deux fois de suite, je dis oui, ça concorde bien avec ce qu'on avait. C'est un truc rapido, oui et non, puisqu'ils te. Bon, après, ils disent ce qu'ils veulent et c'est à chacun de croire aussi ce qu'il entend. Mais ils précisent que c'est ce qu'ils devaient annoncer à la GDC. Donc c'est pas un truc qui est préparé si à la va-vite. Non. Ce qui doit être préparé à la va-vite, c'est le format. Mais le discours, lui, à mon avis, il l'est pas. Hein. Disons que c'est ce que je suis en train de penser, c'est que c'était le discours qui était prévu pour la GDC qui n'a pas eu lieu. Tant que l'action est en train de monter, il n'est pas vraiment utile de communiquer, du moins tant qu'il n'y a pas une pression des joueurs ou quoi que ce soit. La console sort à la fin de l'année quand même. Oui. Mais ils étaient plutôt tranquilles, je dirais. Donc ils pensent à nous présenter la console avant décembre. Bah, ils le feront certainement, mais genre ça, je sais pas comment. Ah bah, j'espère. Ils le feront certainement, et c'est un euphémisme. J'espère qu'ils vont le faire. C'est obligatoire. Avec tout cette année, qui aurait cru qu'ils allaient annoncer la Xbox pendant les Game Awards? Qui te dit qu'ils vont pas nous montrer la console et nous dire c'est bon, vous pouvez la précommander maintenant? Risqué, hein. Quand même, hein. Tout est possible mais risqué quand même, hein. Donc après, moi ce qui m'a surtout marqué, c'est une réaction qui est vraiment, parce que c'est précis quand même, hein. On parle en 3-4 jours près. Quand on commence à toucher ces supports, on sait que ça peut dégringoler très très vite. Ça, les gens en bourse, les supports à la baisse, quand ça touche, l'action elle peut prendre 5-6%. Et on sait que Sony, c'est quand même, PlayStation, c'est quand même l'un des moteurs de Sony Corporation. Mis à part le cinéma et PlayStation, c'est là-dessus qu'ils font vraiment beaucoup de bénéfices. Et d'autant plus qu'avril 2019 ou fin mars 2020, leur bilan financier est à fin mars. Donc, comme par hasard, ça intervient les deux au même moment, juste avant les annonces aux investisseurs. Donc, je pense qu'il y a de ça. Donc, autre chose sur ce point-là, c'est que la première intervention de Marc Cerny, donc, qui était le 16 avril 2019, il nous avait parlé de quoi finalement? Donc, il avait été interviewé par le magazine Wired, ou le site internet Wired plutôt. Et donc, c'est lui qui avait contacté les journalistes en disant « je veux communiquer ». Donc, en gros, il avait accordé une interview à ce magazine-là, mais il savait exactement à quel moment il fallait qu'il communique. Et il nous avait parlé de quoi? Il nous avait parlé d'un début de retracing, de la mémoire système de la future PS5, du CPU, donc le Ryzen d'AMD avec la microarchitecture 7 nanomètres Zen 2, le GPU à variante personnalisée de la famille Navi de Radeon. Donc là, ce que je prends, c'est les termes de l'article Wired. Hein, c'est vraiment... Il avait parlé que ça prendrait en charge le lancer de rayon, le GPU. Il avait parlé de l'audio 3D. Il avait parlé du PSVR qui serait compatible avec la PS5. Il avait insisté pour dire que le SSD serait la clé de la prochaine génération. Il avait parlé de 4K et de 8K. Il avait également annoncé une norme PCIe 4.0. Une bande passante brute supérieure à tout SSD disponible pour les PC. Il avait parlé également que sur cette console, ils étaient des pionniers dans le jeu pour le cloud. Et leur vision devrait devenir claire à l'approche du lancement de la console. Donc en fait, si on prend tous ces points qui avaient été annoncés il y a un an, le 16 avril, on s'aperçoit qu'en fait, ce qu'il a dit dans sa dernière vidéo, en fait, il a repris exactement tous ces points, il les a juste développés en fait. On ne sait rien de plus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le 9 janvier 2020, il y a Jim Ryan, donc le directeur de Sony Interactive, qui a pris la parole. Et lui, il a dit clairement cette phrase-là, mais il y a encore plus dans la PS5 et il y a quelque chose de plus unique que les consoles traditionnelles, car nous n'avons pas encore annoncé les plus grandes différences. Et cette phrase, elle me reste quand même toujours dans la tête parce que ils n'ont pas annoncé encore les plus grandes différences, mais finalement, ils n'ont rien, mis à part rentrer dans le détail sur cette vidéo de Marc Cerny qui était prévue pour la GDC. Je sais pas, est-ce que pour lui la plus grande différence c'était parler des détails, des éléments qui avaient déjà été annoncés le 16 avril? Voilà, c'est quelque chose qui est lui seul le sait. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses qui vont arriver? Et c'est là où on va en venir après sur la partie obligatoirement physique. Moi j'en suis persuadé. On va s'apercevoir qu'il y a pas mal de trous et qui sont volontaires, et c'est probable qu'il y ait des petites surprises au milieu. Moi, je pense, mon impression, c'est que Sony a quand même vraiment raté au niveau de sa communication, notamment à cause de ces trous, tu vois, ces espèces de zones de flou, zones d'ombre, qui est encore sur les infos sur cette PS5. C'est bien de parler aux professionnels, techniques, on va dire, mais il faut comprendre que c'est le grand public qui achète les consoles, qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'être rassuré aussi, pour ceux qui sont vraiment attachés à la marque Sony. Du coup, je pense qu'ils ont vraiment raté à ce niveau-là, et laisser Microsoft faire une bien meilleure communication sur cette génération que Sony, je trouve ça extrêmement dangereux pour eux. Et, oui, soit totalement. Ils se bougent le cul, mais fissa. Soit vraiment on sait très bien, et en plus tu l'as déjà dit ça dans d'autres émissions Laurent, tu peux rater une génération sur la communication. C'est arrivé à Microsoft, des preuves dans l'industrie, on en a des tonnes. Voilà, il y en a d'autres, mais tu vois Microsoft la dernière génération ils l'ont raté à cause de ça, parce que je continue à défendre la Xbox One qui est une super bonne console, même si elle est un tout petit peu moins puissante qu'une PS4. Ça reste une super console, mais voilà, du coup, de fil en aiguille, qui a été en plus pilonné à cause du manque d'exclusivité ou de choses comme ça sur cette console. Ouais, c'est surtout ça. Hein. Mais là, s'ils continuent comme ça, la marque PlayStation, ils vont arriver au même. Non, parce qu'il va, ah, y, je avoir, pense, hein. Il va y avoir une. Disons qu'à mon avis, le souci, c'est qu'un discours qui était prévu à la GDC, les gens qui prennent leur billet pour se rendre dans des conférences à la GDC, c'est des studios de développement, c'est des gens de l'industrie, c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils vont entendre. Le fait que ce soit sur Internet, c'est open bar. C'est comme si on t'ouvrait la GDC au public. Mais ils savent les gens, quand même, comment ça fonctionne, voilà, la communication 2.0 maintenant. Et c'est sur là, Internet, c'est, ils le savent. Si c'est fait à la va-vite. Et c'est justement là qu'il y a une grosse erreur. Si c'est fait la veille pour le lendemain. C'est justement là où il y a une énorme erreur de communication. C'est qu'ils auraient dû... on va leur reprocher d'avoir annoncé ça, mais il fallait bien l'annoncer. On est sur Internet. On arrive même à savoir ce qui se passe dans des réunions d'investisseurs. Alors que le joueur standard, il en sait rien. Mais il y a toujours un journaliste qui va aller gratter dans les réunions d'investisseurs pour savoir ce qui s'est dit. Donc Internet, c'est sûr qu'à partir du moment où c'est posé sur Internet, même s'ils avaient rabâché « attention, c'est super technique » et tout ça, il y aurait toujours des joueurs qui seraient allés quand même. Parce qu'ils sont tellement, ils étaient tellement à cran de ne pas avoir d'informations sur ce PS5 qu'ils voulaient avoir du nouveau. Alors par contre, si ça avait été le cas, s'ils avaient dit « attention, c'est une conférence technique », les joueurs, c'est pas du tout une conférence joueur, ils auraient bien insisté sur ces lignes C'était des lignes importantes. C'est là où il y a l'erreur de communication. Les joueurs, ils y seraient allés d'une autre façon. On en avait parlé avec Johan, on est à peu près d'accord. Ils auraient dit, bon, ils ont bien assisté, c'est une conférence technique. Les influenceurs ou youtubeurs ou je ne sais quoi, ou site internet auraient dit, attention, c'est une conférence technique. Les gens, ils y seraient allés en connaissance de cause. Ils auraient regardé, ils auraient dit, oui, c'est intéressant, c'est pas intéressant, mais il n'y aurait pas eu tout le matraquage non, derrière. Non, je pense même pas. Enfin, je pense bien que les médias, les sites, les youtubeurs, nous-mêmes, hein, on est un petit peu responsable du problème de communication de Sony. N'empêche pas que les joueurs, quand ils savent que sur Internet va y avoir des informations sur une nouvelle console, que ce soit de quelque marque que ce soit, ils sont à l'affût, forcément. Ah, c'est pour ça que la responsabilité, à mon avis, c'est plus de Sony. Et c'est à Sony de se réveiller pour faire de la communication un peu plus mainstream. C'est ce que je suis en train de dire. La plus grosse erreur, c'est pas forcément la vidéo faite avec un fond vert et mamie derrière le caméscope. C'est plus de ne pas avoir mis clairement on va faire une vidéo. C'est le discours de Marc Cerny durant la GDC, ça a été dit, mais de ne pas rajouter, attention, c'est une conférence technique destinée aux développeurs et pas forcément aux joueurs, de le préciser, quoi, de le mettre clairement. Je voudrais juste revenir sur... Johan, tu voulais rajouter ? Ouais, je voulais dire deux petits trucs, mais... C'est vrai que, alors, c'est sûr et certain que c'était, de toute façon, à l'entendre, même les personnes qui sont calées tech ont quand même galéré. Hein. Moi, il y a encore des trucs aujourd'hui que j'ai du mal à saisir et à extraire de ce qu'a pu dire Marc Cerny. Mais la problématique qu'il y a quand même, c'est que dans sa présentation, il a quand même donné des chiffres. Alors, on y reviendra plus tard. Hein. Mais il a quand même donné la capacité du SSD, en dehors juste de son débit, je veux dire, il a parlé du stockage. Et Microsoft, avant, avait dit que la Xbox Series X aurait 1 Tera de stockage. Et puis surtout, Microsoft, ils sont vachement sur le côté très, très teraflop, très, on en met plein la gueule avec ce chiffre-là. Et Sony, Marc Cerny a annoncé les teraflops. Je vais pas faire le match tout de suite, hein, on en parlera bien plus tard. Mais je veux dire, même si c'était une conférence développeur, de toute façon, il en serait sorti ces chiffres et je pense que ça aurait quand même fait un certain mauvais buzz, on va dire, ça comme ça. Donc, donc je veux dire, même s'ils auraient dit c'est une conférence purement technique et tout, ces chiffres-là seraient quand même sortis. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est un peu complexe. Est-ce que je disais tout à l'heure? Parce que j'ai pas répondu à Madjo, mais moi c'était pas forcément ce que je pensais, hein, sur la présentation de jeux, etc. Mais je voulais dire, c'était ce que les joueurs attendaient, en fait. Les joueurs, ils voulaient voir des jeux, ils voulaient voir quelque chose d'un peu plus concret, peut-être voir une DualShock, peut-être voir un truc du genre, quoi. Et honnêtement, alors peut-être que c'est pas encore prêt, ça peut peut-être s'expliquer. C'est possible. Mais je pense que c'est l'erreur aussi, elle est un peu là. Je pense que s'ils avaient lâché, j'en sais rien moi, une manette ou une démo sur, après en même temps une démo sur les moteurs haptiques, c'est un peu compliqué parce que c'est du ressenti. Mais s'ils avaient, j'en sais rien, quelque chose. Hein, après, je serais pas vraiment l'expliquer. Mais par exemple, ils avaient montré Spider-Man, ils auraient peut-être pu montrer un jeu optimisé PS5 d'un jeu PS4 avec, je sais pas moi, un peu plus d'images par seconde. Ou je sais pas, un peu du rétrécissement, enfin j'en sais rien, mais quelque chose, quoi. Je pense que les joueurs, ils attendaient un truc comme ça. Un comparatif plus visuel, quoi. Ça les a... Moi, je le vois pas trop, comme ça, on en a déjà parlé. Moi, je me dis, ça fait, et les tweets de Jason Schreier, ils confirment, ça fait un moment qu'ils sont au courant qu'ils ont perdu la guerre du teraflop. Si tant est qu'il y ait déjà eu une guerre. Oh. Donc je pense que aux yeux du public, de toute façon, ils avaient perdu ça et il fallait qu'ils l'annoncent. Donc cette conférence, je l'ai un peu ressentie, pas comme un aveu de faiblesse, mais une manière de dire, bon, nous on a dit teraflop, mais on fonctionne différemment. Et le but du jeu, c'était de se dédouaner d'avoir dit teraflop et d'expliquer vraiment en détail sa vision de la chose. Damage control, quoi. Je le vois comme ça. Je me dis... Ils savaient qu'ils avaient un mauvais cap à passer. cette annonce et que les gens de toute façon n'allaient retenir que ça. Donc ils auraient pu te montrer tous les jeux qu'ils voulaient, si enfin, et encore, cette histoire de Teraflop, si tu veux, elle, parce que c'est ça aussi le marketing, si tu veux, c'est savoir jeter ses cartes au bon moment pour en sortir d'autres derrière, tu vois. Et là, en l'occurrence, comme bah, ils avaient rien, enfin, si tu veux, ils savaient que de toute façon, ce qui ressortirait de cette présentation technique, si tu veux, ça serait que ben, la PS5 fait 10 teraflops et la Xbox Series X en fait 12. Voilà. Et en l'occurrence, ils ont raison puisque c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai plus l'impression que c'était vraiment une manière d'annoncer que ben, la PS5 fera 10 teraflops, mais qu'on aura un gros SSD, qu'il va falloir avoir une vision différente du développement, que ça va être plus facile que de développer sur PS4, que vous allez gagner du temps, etc., etc. Et malgré qu'il ait dit tout ça, tu vois, qu'est-ce qu'on retient essentiellement ? C'est les 10 teraflops. Donc, ce cap, il est passé, l'annonce, elle a été faite. Maintenant, ça va se tasser avec le temps, puisque c'est comme tout. Et la majorité des gens ne retiendra que les dernières annonces qui auront été faites. Parce que je pense que s'ils en avaient fait d'autres, malgré tout, les gens se seraient concentrés sur les 10 teraflops. Voilà. Donc, d'un côté... D'un côté, c'est pour moi un mal pour un bien. Je pense que... Enfin, je ne sais pas si c'était calculé ou pas, mais c'est vrai que la manière dont ça a été annoncé, et quand Laurent nous parle des cours de bourse, ça fait un peu le mec qui toque au bureau de Cerny, il fait « Bon, tu me fais une présentation pour demain, 8 heures, on t'enregistre. » Voilà, ça fait un peu... Voilà, ça fait un peu ça, tu vois. C'est un peu ça, ça ouais, un peu cette impression. Non, mais après, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, Joe. Hein. Moi, je te dis juste ce que j'ai essayé de voir un peu quand on regarde sur les internets de manière générale, c'est ce que les joueurs font remonter en fait. Après, en effet, je dis pas qu'ils ont raison ou quoi, mais je veux dire, il y avait cette attente là. L'attente a pas été. L'attente, ça fait un an. Voilà. Un an. Depuis que on entend parler de la PS5, ça fait un an que les gens ils veulent voir à quoi elle ressemble. Il y a qu'à voir les trailers que fait Laurent. Ça fonctionne bien parce que les gens ils ont aussi envie de faire travailler leur imaginaire ils veulent rêver quoi. Voilà, et puis de toute façon c'est de bonne guerre, donc forcément ils sont déçus, mais c'est logique. Mais comme je te dis, c'est pour je pense savourer beaucoup plus tard, parce que encore une fois, bon après je suis pas dans les plans de Microsoft, mais aujourd'hui Microsoft ils ont quasiment tout présenté hormis les jeux. Donc c'est pareil, tu vois, t'as encore ce petit sentiment de rêve, t'as encore cette hype qui se fait naturellement parce que t'as envie de savoir à quoi va ressembler la console, t'as envie de savoir à quoi vont ressembler les jeux, t'as une envie de bonne communication haptique de la manette. Public. Mais ça viendra, ça viendra. Pour moi, c'était vraiment cette conf là faisait aussi partie de cet aveu de faiblesse, si tant est que c'en soit un, puisque on est sur une architecture nouvelle, mais c'était vraiment pour compenser le fait qu'il y avait que 10 teraflops et 12 chez Xbox. Ça, voilà. Ça justement, moi je l'ai ressenti comme ça. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais juste revenir sur une. On vous a demandé justement de réagir sur les réseaux sociaux et de nous poser des questions, savoir s'il y avait des zones d'ombre. Posez les flingues. et voilà, on a eu de tout. Hein. Donc on a fait une petite sélection. Là, on a notamment une remarque de Jean-Christophe. Je ne vais pas donner les noms de famille, hein, parce que ça, on n'a pas divulgué comme ça sur le podcast. Jean-Christophe qui nous dit. Bonjour, pensez-vous que Sony ne s'est pas mis en difficulté en communiquant trop tard et de manière trop technique ? Pour beaucoup de néophytes, la chose à retenir, c'est que la PS5 est moins puissante que la Xbox. Pourquoi ne pas avoir proposé une machine à également 12 teraflops ? Le grand public aurait été rassuré en se disant « à puissance égale, autant prendre la PS5, maintenant rien n'est moins sûr ». Alors qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors, moi, perso, je trouve que il y a plusieurs guerres. On est en guerre, on va dire. ça y est, nous sommes en guerre. Voilà. Et donc, il y a plusieurs guerres. Il y a la guerre de la communication qui aura comme objectif, pour objectif de faire une opération séduction pour séduire le joueur, pour l'amener sur la console. Mais à mon avis, la deuxième guerre, qui est même plus importante que la première, qui est beaucoup plus importante, c'est justement l'opération séduction des développeurs. Et c'est là où Cerny, à mon avis, a une autre philosophie. Parce qu'il y a un truc où il ne faut pas se mentir, c'est qu'ils ont démarré à développer la PS5 il y a 4 ou 5 ans, on va dire. Et Sony avait très bien, ils savaient très bien comment le marché a évolué. Hein. C'est pas des imbéciles. Ils savent très bien qu'ils étaient tout à fait capables d'annoncer une console de 12 teraflops. Et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Certainement, c'est là où Cerny commence un peu à l'expliquer dans sa vidéo. Ils ont fait un choix. Et ils savaient éperdument il y a 3 ans peut-être qu'ils allaient être certainement inférieur au niveau des teraflops face à Xbox, vu qu'ils changeaient de route. Donc ils savaient très bien que le fait de faire ce choix, ça risquait d'influer sur les teraflops. Donc après, qu'ils aient parlé trop tard, ça j'en suis convaincu, parce que est-ce qu'ils ont parlé trop tard ou est-ce que c'est Microsoft qui a parlé trop tôt? C'est toujours délicat. Souviens-toi du Taipei Game Show où au final on avait des suspicions de prise de parole ou de présentation et on saura jamais ce qui s'est passé, ce qui devait se passer. Donc c'est pareil, ça se trouve ils ont un mois de retard aussi dans leur présentation à cause c'est de ça. C'est ça. Et puis c'est pareil, Microsoft qui annonce au Game Awards une console, vous avez déjà vu ça vous? On a l'impression qu'ils ont voulu prendre de vitesse, et boum, allez on balance. Ah mais totalement, voilà. juste avant les fêtes de fin d'année, de toute façon c'est pareil. Hein. Ils ont bien fait. Hein. Donc trop tôt, trop tard, pour le joueur qui attend, en fait pour le joueur ça a été au moment où Microsoft ont commencé à sortir l'artillerie lourde, ils se sont dit ah c'est bon, il y a Sony qui va réagir, ah merde. Bah c'est bon, il va réagir dans 15 jours, dans un mois, dans deux mois. Ils ont très très bien joué à ce niveau-là, même s'ils sont pris ils sont un petit peu fait foutre de leur gueule avec le design de la console. Rien que ça, le fait de le présenter maintenant, ils ont eu un micro bad buzz, mais en fait... Ils l'ont ironisé lors de leur dernière présentation, ils l'ont ironisé, ils l'ont designé en forme de frigo, je crois. Eux-mêmes, hein, Microsoft. Alors, ils en ont joué, tu vois. C'est là où il faut se méfier de l'eau qui dort. On dit toujours Sony la force tranquille, Microsoft plus américain. Je sors la batterie fanfare et je vais faire du bruit et je vais montrer mes gros teraflops. Ce que je veux dire par là, c'est que Sony peuvent encore rebondir parce que on est quand même en pleine crise de coronavirus. On sait que le confinement va durer peut-être 4 mois. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague derrière. On ne sait pas s'il va y avoir des mutations de virus. On ne sait pas ce qui va se passer. Si ça se trouve en septembre, il n'y aura pas de Paris Games Week, il n'y aura pas de Tokyo Game Show, il n'y aura pas tout ce tralala en août. Et du coup, maintenant que Microsoft ont tout balancé. Ils vont plus rien avoir à dire, ils vont commencer à présenter leur jeu. Ça on sait pas. Oui, mais disons qu'ils ont balancé leur fiche technique. Ça c'est. Oui, mais il y a peut-être des trucs. Je crois qu'il y a DirectX 12 aussi qui sont ça aussi, en train de présenter. C'est balancé. Ouais, mais bon, t'as pas vraiment vu comment ça fonctionnait, t'as pas vraiment vu de jeu tourner. Enfin, t'as vu Gears améliorer, oui, mais c'est tout. Je veux dire que dans ce sens, c'est peut-être pas forcément. Disons que ça peut. Un avantage peut se transformer en inconvénient s'ils ont trop d'avance, justement. Parce que là, ils ont balancé beaucoup de choses. Certes, ils peuvent encore dire des choses, mais par rapport à Sony, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Donc, disons qu'il faut tenir la com après jusqu'à la sortie de la console. Exactement. Donc ça peut être un gros avantage en ce moment pour Microsoft, et puis petit à petit les gens ils vont assimiler tout ça, les 12 teraflops c'est bon, on a parlé de 2 mois, ça c'est bon, ça on sait, et puis à la fin il va y avoir un moment où Sony eux ils vont taper et puis ils vont peut-être annoncer des nouvelles choses. Ouais, Johan, tu voulais réagir? Ouais, sachant qu'en plus Microsoft, faut pas oublier, hein, eux ils comptaient vachement sur le salon de l'E3. Pour pouvoir mettre en avant justement énormément de jeux. Hein. Ils avaient déjà parlé là-dessus, et sauf que maintenant ils ont plus de 3. Hein. Donc ils ont tout à retravailler là-dessus. Sony, eux, non, puisque de toute façon l'année dernière ils étaient pas là, cette année ils sont pas là. Que l'E3 ait pu se tenir ou pas, de toute façon c'était déjà plié pour eux. Donc à partir de là, voilà. Après quand même sur la Series X. Alors, qu'on sache pas un certain nombre de choses. Alors bon, sur DirectX 12, c'est une API, honnêtement, une API pour le grand public. Je veux dire ça, ils en ont un peu rien à foutre, les gens, de savoir qu'est-ce qu'une API, etc., etc. Par contre, sur la console et sa fiche technique de manière générale, enfin, je veux dire, en savoir plus, ça me paraît compliqué. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, sur Internet, sur YouTube, que ce soit par Digital Foundry ou un autre mec, là, j'ai oublié son nom. Enfin, la console, on l'a démontée. Il nous montre comment il la démonte, comment il la remonte, comment ça s'intègre dans le boîtier. Enfin, je veux dire, à un moment, on a la taille de la matrice de la PU. On a, enfin, je veux dire, on a même les l'espèce de résurrection des cartes mémoire derrière qui rentrent. On sait qu'elles sont fabriquées par Seagate. Enfin, je veux dire, techniquement, je pense qu'ils ont vraiment, vraiment quasiment tout balancé. Et que ce qui va manquer, en effet, ça va être de la présentation de logiciels ou parler un petit peu plus en détail du Xbox Velocity. Mais enfin, le Xbox Velocity, dans Digital Foundry, il est déjà détaillé, en fait. Donc, dans l'article, hein, je veux dire, excusez-moi, de Digital Foundry, qui est présent sur le site Eurogamer, et puis leur chaîne YouTube, qui, là, pour le coup, s'appelle que Digital Foundry. Donc, à un moment, je pense qu'en effet, par contre, Sony, il manque beaucoup de choses. Je veux dire, là où sur la Series X, on va y revenir, mais sur la Series X, là où on sait que le ray tracing, il peut marcher en 4 ou en 8 bits avec tant de machins, tant de ceci, tant de cela, aujourd'hui, le ray tracing sur PS5, à part Marc Cerny, qui est venu nous dire, bah écoutez, nous on a développé le shader primitif, merci, au revoir. Mais typiquement, moi le shader primitif, de ce que j'ai à peu près pu comprendre, c'est une sorte de VRS, enfin un truc un peu dans ce sens-là, et peut-être pas d'ailleurs. Enfin, c'est tout, quoi. Apparemment, c'est pas non plus du gros ray tracing, hein. Que ce soit sur Series X ou sur PS5, visiblement, c'est quand même assez limité. Ah bah, par rapport au PC. Par rapport à ce qu'on connaît chez Nvidia au PC. Alors ça, techniquement, on en reparlera plus tard, si vous le permettez. Ouais. Pardon. Oui, bien sûr. Ouais, parce que là, on n'est pas encore arrivé vraiment dans le corps du. Non, mais tout à fait. Je voulais juste te dire, voilà, en fait, aujourd'hui. En effet, c'était pour aller dans le sens de Laurent, et encore désolé de t'avoir coupé, hein, ça, mais c'est vraiment Microsoft aujourd'hui, ils ont technologiquement plus énormément de billes. Même la manette, ils l'ont présentée. Enfin, je veux dire, on connaît la taille de la chambre à vapeur. Enfin, vraiment, on connaît tout, quoi. Je veux dire, même le diamètre du ventilo, on le connaît. Le grain, enfin, du plastique. Moment, tu vois. Ouais, aussi, ouais, tout à fait. Bah, du plastique de la manette, oui. En plus, ouais, voilà. Pour le coup. Mais ok. Donc du coup, je voulais revenir aussi donc au niveau de la communication sur les propos de Chris Granell, un ex-développeur de Sony qui a normalement officié sur Killzone 2, Formula One, Wipeout entre autres. Donc voilà, un ancien de Sony qui a pu s'entretenir avec certaines personnes qui travaillent sur les deux consoles. Le constat est implacable. J'ai discuté avec certains développeurs. Ils m'ont confirmé que la différence de puissance était assez colossale. C'est ce qu'il a tweeté. Ça a été relié par WCCF Tech. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura pas de bons jeux sur PS5, mais les fanboys s'en fichent et sont tous sous le choc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mes chers compatriotes, nous sommes... nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, ouais. Face à un ennemi invisible. Tout à l'heure, je vous parlais donc de deux types de com. La com qui va pour l'opération séduction des joueurs, et ben on est en plein là-dedans. En gros, dans toute guerre, il y a de la propagande. Et puis, le truc tout simple à faire avec ce monsieur Granell, Chris Granell. C'est d'aller faire un tour sur sa page Facebook, donc c'est @cjgranel, GRA2NE2L. Donc c'est bien un développeur. T'as son numéro de portable ou pas ? C'est bien un développeur qui a travaillé 14 ans quand même chez Guerrilla Games. Donc c'est pas du pipeau. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que ce développeur-là a quitté Sony ou a été viré de Sony, ça on n'en sait rien. Mais par contre, il a monté une société qui s'appelle Urban Zoo, qui est spécialisée dans des technologies liées au sport, à l'e-sport, à des choses comme ça. Et ce qui est frappant, en fait, c'est pas tout ça. Ce qui est frappant, c'est que donc je suis remonté sur son fil d'actu de Twitter jusqu'en 2015. Et il n'y a aucun partage de quoi que ce soit qui vient de Sony ou de PlayStation. C'est tout soit du Nintendo, soit du Microsoft. Et je vais dire à 80%, c'est du Microsoft. Donc, est-ce que le type, il est complètement objectif dans ce qu'il annonce ? C'est pas le style de phrase. Quelqu'un de chez Ubisoft, par exemple, qui va travailler à la fois sur les trois consoles qui balancerait ce truc-là aurait beaucoup plus d'impact que lui qui finalement... Voilà. Pas d'impact, mais de crédibilité, du coup. C'est ça. Disons que ça fait un joli titre pour un article, tu vois. Un ex-développeur de Microsoft, de Sony, dit que... C'est exactement ça. Ouais. C'est de la guerre de communication. Tout le monde... Un ex-développeur de Sony qui n'a pas touché à une console depuis la PS3 dit que... C'est ça. C'est exactement ça. C'est que tous les gens qui ont relié cet article... ce tweet de ce développeur-là, ont tous mis dans leur titre un développeur de Sony, et il y en a plein qui ont relayé le truc sans vérifier, en disant ils disent que c'est un développeur de Sony, donc je dis la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher, c'est qui ce mec en fait. Et quand on voit toutes ces publications, c'est bon. En fait, on retrouve tout le beau monde qui en ce moment sont en train de tailler un short à la PS5, justement à grands coups de teraflop. Donc c'est là où la technique, tout à l'heure on va revenir sur la technique. Notamment donc au moment où il a tweeté ça, juste derrière il y a un site qui a relayé cette information. C'est un site qui s'appelle WCCF Tech. Et qui a fait un article aussi qui est pareil au premier abord, qui a l'air plutôt sérieux, parce que au final on sait que les 12 teraflops sont écrasants par rapport aux 10,3 teraflops de la console Sony, mais rien que la fiche technique, on voit déjà qu'elle a été modifiée par rapport à ce qui a été publié. Des choses toutes simples, la vitesse d'horloge du processeur, côté Xbox jusqu'à 3,8 GHz, 3,66 en SMT. Du côté Sony, jusqu'à 3,5 GHz, et ils ne savent pas si c'est du SMT. Alors que c'est clairement Sony, ils l'ont dit clairement. On sait très bien que c'est du SMT. Donc, un point d'interrogation. Même Digital Foundry. Même Digital Foundry l'a relayé. Oui, voilà. Et des choses comme ça, il y en a plein. Alors, ils ont même mis une estimation de la véritable vitesse d'horloge des GPU. Parce qu'ils partent du principe que, vu que le GPU est à fréquence variable, il n'atteindra jamais 2,23 GHz. Mm-hmm. Ça fait toujours pas non, on n'a pas l'habitude de dire un chiffre pareil. Ouais, c'est ça, et donc, ils disent que ça ne dépassera pas 2 GHz, en fait. Et puis, en teraflop, elle ne dépassera pas 9,2 teraflops. Ah tiens, c'est rigolo, ça reprend ce qu'avait dit Digital Foundry. Après, c'est pareil pour le processus de gravure qui est en 7 nanomètres plus côté Microsoft. Et là, dans la même colonne, 7 nanomètres côté Sony. C'est pourtant du RDNA2 pour les deux consoles qui devraient être théoriquement gravées dans la même chose. Donc, couchez-vous, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Couchez-vous. Il a dit. Non, il a dit RDNA2. Oh oui, putain, merde, il a pas dit ça. C'est du 1,5. 1,5. 1,5. Non, c'est du 1,23. Non, j'ai eu des détails, c'est du 1,48. C'est du 1,48. Oui, donc on arrondit au supérieur, ça fait 1,5. Le débit des disques durs, encore une fois, 2,4 gigas en brut et 4,8 gigas seconde en compressé. Côté Sony, 5,5 gigas en brut. Et ils ne mettent pas que c'est 9 gigas en compressé. Alors que c'est pareil. Alors en fait, ils s'arrangent à faire un tableau. Et puis ils disent, ah ben ça on le sait, mais on ne va pas le mettre, on va le rayer. Est-ce que tu ne serais pas en train de sous-entendre que toutes ces informations-là et ces déclarations seraient un petit peu malhonnêtes? Ah ben tout non, à fait. Je n'y crois pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans l'eau, il y a des gens qui sont très sérieux, qui vont vraiment décortiquer le truc, qui sont neutres surtout, donc qui vont mettre les deux consoles à plat, qui vont les démonter, qui vont vraiment les analyser, qui vont dire là c'est bien, là c'est pas bien. Et puis dans l'eau, il y en a qui sont sous influence, ils ont déjà leur gagnant. Et puis, mais alors ce que je comprends pas, c'est que dans des cas comme ça, notamment ce site-là, quand on voit la fiche technique, on voit très bien que sur plein de colonnes, ils ont supprimé des informations. Surtout que là, en plus, on n'est même pas en train de dire... Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est de la négligence? Oh, C'est un site... Je connais pas du tout le site. C'est un site spécialisé ou c'est... Ah oui, c'est un site spécialisé jeux vidéo ou c'est un site spécialisé technologie? Tech. Un site spécialisé tech. C'est un peu le problème aussi. Et surtout que cette fiche technique, elle est présente côté Xbox sur le site Xbox officiel, et la fiche Sony, elle est présente sur... Il y avait juste à faire des copier-coller. Oui, à copier-coller. Voilà. Et ça n'a pas été le cas, ça a été modifié dans la colonne. Donc là, on voit déjà tu voilà, y a c'est ce genre de choses là, moi ça me dérange déjà clairement. Ça zone de flou. Ouais, et puis t'as fini Laurent? Ouais. Non mais en plus le pire, alors, je me rappelle plus vraiment de la date de quand était publié l'article, mais il est pas très vieux, hein, il a deux jours je crois, hein, l'article. Il est du 20 mars l'article. Donc il a six jours, tu vois, par rapport à la, en fait, à la présentation de la machine, il y a quand même un délai. C'est quand qu'il l'a présenté, Marc Cerny, la machine, je me rappelle plus. J'ai un trou. Ah, j'ai coupé. Ouais. T'as dit quoi, Yann? Non, je disais, ah, vous m'avez pas entendu, excusez-moi. La présentation, c'était quand la présentation de Cerny? Putain, je me rappelle plus. La présentation de Cerny, je crois que c'était le 18, non? C'était pas le 19? Attends, 18, je dirais le 18, moi. La vidéo est le 18 à 17h, je crois. Ouais, bon, enfin, en tout cas, l'article, il n'a pas été pondu le soir même à la sortie de ce qu'a dit Marc Cerny. Il y a deux jours de décalage. Mais en plus, ouais, il y a eu deux jours de décalage, 18. Et puis surtout la fiche. Oui, le 18, donc voilà, bah, donc il y a quand même deux jours de décalage que je trouve assez problématique, parce que derrière, quand on lit l'article, alors même si j'ai certains désaccords, on voit quand même que le mec ou les personnes qui ont écrit cet article, ils ont quand même des connaissances, si tu veux. Donc à un moment, j'ai du mal à me dire que les types, ils ont, qui savent pas aller chercher une fiche technique, en fait. Mmh. Ils ont vraiment aucune excuse. Ouais, ils ont vraiment aucune excuse. Ouais, désolé, j'ai du mal à trouver le mot, mais je veux dire, t'as un article tech très détaillé avec, voilà. Alors après, tu vois que les mecs, ils ont des connaissances et derrière, ils seraient pas capables de savoir que les 3,5 GHz, ils sont en SMT. Enfin, je veux dire, tu vas sur l'article de Digital Foundry qui est sorti à peu près à la minute près, au même moment que la vidéo de Marc Cerny a commencé, parce que eux, ils avaient eu une avant-première. T'as la fiche technique, tu vas sur le PlayStation Blog, t'as la fiche technique avec tout précisé, en fait. Donc, le SSD, ils en ont quand même foutrement parlé. Ils sont incapables de marquer le taux de décompression. Sony annonce que c'est du RDNA2 et AMD a dit que toutes les puces qui étaient RDNA2 seraient gravées en 7 nanomètres enhanced, donc plus, hein, enfin voilà, mais c'est pareil. Et là, ils le mettent pas, quoi. Enfin, il y a quand même vraiment un problème. C'est une guerre, quoi, de com. C'est ça. C'est vraiment une guerre de com, ouais, tout à fait. Et d'influence. Exactement. Et j'allais rajouter en plus, ce qui est encore là pour le coup un peu plus malhonnête, c'est que les mecs, là pour l'instant, les développeurs qui leur a appelé, ils se basent sur des kits de développement. Mmh. Le kit de développement actuel de la PlayStation 5, c'est un kit qui est sorti en début juin 2019, avec le fameux design où on avait eu le brevet, etc. etc. Oui. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est ça exactement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce kit, les développeurs, ils l'ont eu en juin, mais il a très probablement été produit à peu près au niveau de mars-avril, c'est-à-dire au moment où RDNA premier du nom a commencé à être produit pour les cartes c'est RX 5700 et 5700 XT. Bon, donc le kit, la technologie, elle a dû être gravée entre mars-avril et les puces, les tests avec les ingénieurs, elles ont dû être finies autour de, vas-y, on va dire, pour être gentil, on va dire février, hein, voilà, pour pas aller plus loin que ça. Mais à ce moment-là, RDNA2, et j'en avais parlé il y a, je sais plus quel podcast c'était peut-être le numéro 33 ou le numéro 32, enfin la première fois que je suis venu, je l'avais dit, AMD, ils sont en retard. Très clairement, ils ont eu des tas de problèmes, ils ont eu énormément de leur personnel qui travaillait côté GPU, qui sont partis, qui ont été embauchés par Intel. Il y a eu une déperdition assez importante de leurs salariés pour Intel, qui font d'ailleurs des cartes graphiques avec du ray tracing, hein. par ailleurs. Et donc ils ont eu beaucoup de retard en fait sur la production de ces fameuses puces RDNA2. Et donc au moment où Sony donne les kits aux développeurs, c'est un kit, il faut donner des kits aux devs parce qu'ils en ont besoin, il faut bien qu'ils développent quelque chose, mais c'est pas un kit définitif. Et on sait par diverses personnes dont les sources sont avérifiables au vu de ce qu'ils disaient, qu'il y a un kit 3 qui est progressivement en train d'être envoyé aux développeurs. Mais ils n'ont pas encore ce kit. Mmh. Donc, je veux dire, moi, ça me pose aussi, au-delà de ça, un problème. Moi qui suis dans la recherche, ça me pose aussi un problème, je veux dire, déjà de base, de comparer des spécificités par rapport à un kit de développement. Non fini. Kit non fini, qui n'est pas à jour, le kit 3 n'est pas sorti, alors que par contre, on sait le kit de la série X en RDNA2, etc., etc., etc. On l'a vu avec la photo de profil de Phil Spencer qu'il avait mis sur Twitter, par exemple, etc., etc., qui montrait la puce de la série X. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, je pense que Microsoft, ça fait, on sait qu'ils ont un partenariat très spécifique avec AMD parce qu'ils s'occupent pas que de leur console, hein, ils s'occupent aussi de leur serveur pour le cloud, etc., enfin, Azure et compagnie. Et donc, à partir de là, on sait qu'ils ont l'air d'avoir un peu plus de liens, quoi, les deux sur la production de cette puce, y compris parce que Microsoft a beaucoup travaillé pour leur amener le fameux DirectX 12 Ultimate dont on parlait il y a peut-être 10 minutes. Donc, je veux dire, comparer un kit de développement qui est très certainement définitif, en tout cas au niveau de ses specs, à un autre kit qui, lui, a maintenant quasiment un an, en tout cas dans sa temporalité technologique, c'est-à-dire que grosso modo les puces elles ont été fabriquées entre mars avril pour le kit dev. Aujourd'hui on est quasiment fin mars, donc on est quasiment un an après, hein, à quelques jours près. Ça pose une problématique parce que quand le kit 3 va arriver, que ces développeurs là en question vont pouvoir un peu plus fouiller dans le cœur de la machine. À ce moment-là, les cartes elles vont être rebattues aussi. Qui nous dit le SSD de Samsung, parce que c'est Samsung, hein, qui s'occupe ça maintenant, c'est sûr. Merci. Samsung, ils avaient fait une conférence SSD où ils avaient dit on va équiper une des consoles. Bon, Microsoft, ils ont lâché que leur SSD c'était Seagate, donc c'est forcément Samsung qui s'occupe de Sony. Mais les performances, puis j'en finirai là, hein, mais les performances du SSD qu'on a dans la PlayStation 5, aujourd'hui ça n'existe pas dans le marché et ça va arriver dans le marché. Donc l'année dernière, dans le kit de l'année dernière, ils ne pouvaient pas non plus mettre ce SSD aussi boosté, hein. Donc je veux dire, je trouve vraiment qu'il y a, au-delà de la guerre de com et tout... Est-ce que je peux te couper, Yohan, et te poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que c'est pas une erreur, ça, du coup? De qui? C'est-à-dire? Mais de Sony, de ne pas avoir équipé ses kits de dev. Mais ils ne pouvaient pas le faire plus vite. Bah ouais, mais dans ces cas-là, tu ne les envoies pas parce que les jeux ne vont pas être configurés pour profiter. Ça veut dire que les premiers jeux, bon, ça on le sait de toute façon, c'est toujours ce qui se passe, mais ça veut dire que les tout premiers jeux ne vont pas être optimisés par rapport à l'architecture de la console. Ça a toujours été le cas. Comme absolument, mais exactement. Ça a toujours été le cas. Là, on est quand même sur une architecture bien particulière, c'est-à-dire qui vraisemblablement casse un peu les codes actuels. Et c'est quand même dommage C'est-à-dire que la configuration, même si elle est plus fine, des premiers kits de développement, fonctionnera exactement de la même façon que la console finale. Souviens-toi, exemple, les premiers jeux de la PS2, Fantavision et même d'autres jeux qui étaient plutôt pas mal, genre The Bounce. C'était formidable. Tu sentais bien que c'était FIFA des jeux. FIFA 2001, SSX, Ce sont des jeux qui sont développés avec des versions alpha des kits de développement, ça. Et qui tu es sûr que si ça fonctionne, que si le jeu fonctionne pour faire partie des premiers jeux du lancement d'une console, fonctionne avec les premiers kits de développement, ça fonctionnera avec la console finale, quoi qu'il en soit. Ah oui, le oui, système oui, de fonctionnement. Mais en plus, je suis pas. Mais attends, Johan, quand est-ce qu'ils ont fait la démo de Spider-Man? Ça a pas été fait au mois de juin l'année dernière, ça? Bah alors. Spider-Man, dans l'article de Wired d'avril, il le montre déjà au. Donc ça veut dire que le SSD était déjà prêt alors. Il était déjà là, ouais. Non, il n'était pas déjà là, pas en termes de débit. Non. Bah, ça, c'est très pertinent. Alors ils ont pris quoi comme SSD pour faire cette SSD démo? SSD classique, le même que les Xbox. Ouais, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça sera mieux non, encore mais ils ont avec prendre... la non, finale. Mais ils ont pu... Non, mais attendez. Non, mais si, potentiellement, ils pouvaient avoir ces six canaux, mais ils pouvaient ne pas être à ce niveau de débit, en fait. D'accord. Bien sûr qu'ils ont, dans le kit dev, il y a des choses qu'ils ont travaillées, mais je veux dire, c'est le débit. Le débit, enfin, je veux dire, Samsung, la production de ces puces qui vont arriver là, qui vont pouvoir faire du plus de... au-delà des 5 gigabytes par seconde, ces produits-là depuis, enfin, c'est en train d'être produit maintenant en fait. Donc avant ils ont pu mettre déjà des composants puissants et performants, mais pas autant que ceux qu'on a, pas autant que ceux qu'on va avoir dans nos PS5 et dans le kit 3. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, enfin pour moi, hein, c'est quand même dommage et même limite une aberration de baser et de faire la différence sur une gen de console par rapport à une architecture et un produit bien spécifique et de ne pas le mettre à disposition dès le départ des développeurs. Oui, mais tu peux pas parce que tu peux pas le produire. Donc c'est comme tout. Enfin, je veux dire quand Sony sur la PS3, ils développaient le sel. Je vous l'ai dit, les gars, moi je suis le casu ce soir, je suis pas le tech. Oui, mais proposer les questions qui fâchent. Tu n'es pas seul. Ce que nous avait dit Nicolas Doucet concernant Astrobot. J'étais pas là. Un jeu. Oui. Rappelle-toi. Non, je rigole, j'ai entendu. Non, écoute le podcast. Un jeu de toute façon. J'étais encore auditeur à l'époque. Il se développe en 4-5 ans, des fois plus long même, parce qu'il y a des certains un jeu, c'est... Donc en fait, c'est un jeu qui se développe en 5 ans ou en 4 ans. Ben, de toute façon, les mecs, ils vont commencer. Il faut déjà qu'ils aient quelque chose. Mais par contre... Oui, mais là, je te parle des jeux qui vont être présents au lancement. Mais pas des jeux qui vont mettre 4 ans à être développés. Parce que ces jeux-là, ils ne seront pas refaits avec le troisième kit de développement. C'est justement qu'en plus, ça coûte de l'argent. Pardon. C'est justement de ces jeux-là que je suis en train de parler. C'est que quand ils ont reçu le premier kit, si tu te rappelles ce que disait Nicolas Doucet concernant Astrobot, ils ont démarré par faire toute la partie... gameplay, donc sans graphisme. Et la couche de graphisme, ils font intervenir les graphismes qu'en fin de chaîne, en fait. Donc, ils peuvent très bien démarrer le jeu tranquillement en faisant toutes les mécaniques, toute la physique du jeu sur un kit 1. Et puis après, ils ont le kit 2, ils améliorent. Et avec le kit 3, ils vont se mettre sur la partie vraiment graphique, ray tracing et tout le tralala. Donc, non, au contraire, c'est intelligent parce que les jeux qui vont sortir là, ils sont déjà en développement depuis plusieurs années et ils ont commencé à travailler sur le premier kit et ils continuent. Et le kit 3 sera le prolongement du truc. C'est logique en plus. Voilà, ouais. Oui, mais tous les devs ont les trois kits ? Non, les gros devs. Bah, ils vont, justement, le troisième kit, il n'est pas encore arrivé. Mais ça, c'est aussi. Je le dis, hein, c'est dû aussi un peu au retard d'AMD. En plus, maintenant, il y a ce qui se passe avec le coronavirus et tout. Donc, les usines de production, elles n'ont pas pu tourner, on va dire au moins à minima à plein régime. Donc voilà. Mais après, c'est pareil. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un jeu, alors, sauf pour les exclusivités, ça c'est encore un autre. Non. Parce que pour les exclusivités, c'est à peu près pareil aussi, désolé. Mais les jeux, de toute façon, on le sait, ils sont développés de base sur PC. Donc, il suffit que Mark Cerny, enfin, les ingénieurs de Sony disent, voilà, ce qu'on vise aujourd'hui en termes de puissance, c'est ça. Et les mecs, ils savent déjà jusqu'à où ils peuvent s'aiguiller, quoi. C'est-à-dire, bon, d'accord, on nous a dit que 4K 60 FPS, ça rentrera. Bah, on peut bosser à partir de ça. Et puis, ce qui est très intéressant aussi dans le fait d'avoir des itérations de kits de développement, c'est que tu vas envoyer des kits sur lesquels tu vas avoir bossé, mais après, surtout, tu vas avoir des retours des développeurs qui vont dire, ah, ça, c'est bien, mais ça, par contre, là-dessus, c'est pas assez optimisé, il faudrait que vous travailliez là-dessus. Ouais. Ça, c'est pas assez ceci, ça, c'est pas, tu vois. Donc, ouais, malheureusement, un partage d'expérience, pardon, et entre les devs exactement, et entre les producteurs de la console. Enfin, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est une façon de développer une console qu'ils ont fait, l'une des que Mark Cerny avait déjà avec la PS4. Quand il a. Pareil, avec l'échange avec entre les développeurs et le constructeur. Pourquoi ils ont réussi la communication, justement, plutôt le silence qu'il y a eu sur le développement de la PS4, et alors que sur la PS5, t'as de la fuite, t'as de la fuite. Non mais là je suis sérieux, hein. Là je rigole pas en disant ça. C'est vraiment, j'en reviens à ce que je disais, mais pour moi c'est les teraflops. Mais pourquoi ça les bloquait à prendre la parole et il fallait qu'ils trouvent comment le faire. Mais tu crois que ça vient de la fuite ? Tu crois que ça vient de Sony ? la fuite sur les dev kits, les premiers dev kits, la photo volée, etc. La fuite de Digital Foundry, c'est des tests AMD qui ont fuité. Donc, mais tu vois, après, par contre, les dev kits, oui, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui. C'est quand tu vas pour un reportage chez des développeurs, on en a déjà fait quelques-uns, il y a des pièces qui nous sont interdites. On sait très bien pourquoi, parce qu'il y a des dev kits sur les tables. Donc c'est. Il n'y en a pas un qui a cherché à jouer le 007 pour rentrer dans la pièce en question. Disons que. Tu lui mettais des pains au chocolat dans la face, là, et puis. C'est comme tout. Chocolatine. Attends, j'ai la langue qui brûle là d'avoir dit ça. Un livreur ou un jeune stagiaire qui passe avec son téléphone portable, et puis la fuite là-dessus, c'est super facile à avoir. Oui, mais pourquoi il y en a pas eu? C'est le livreur de pizza. Il y en a quasiment pas eu pour la PS4. Je vous l'offre. Non, mais mais tu vois, Laurent, t'en as quasiment pas eu pour la PS4. C'est ça que je comprends pas. Alors que la PS5, ça fuit dans tous les sens. Ah, ça fait... Parce que ça fait parler, parce que c'est l'ère d'Internet encore oui, plus. Oui, tu veux dire que ce serait une sorte. Alors, ça, j'y crois pas trop, que ce soit un dosage volontaire de Sony. Moi, je pense que je ne pense pas non plus. Moi, je pense que c'est des fuites, des vraies fuites, en fait. Hein, des AMD qui ont fait un test sur ce fameux CPU-GPU de 9,2 teraflops. Et le test a fuité, et quelqu'un chez eux l'a fait fuiter. Ça a fini sur un compte Facebook ou Twitter. Et Digital Foundry l'ont récupéré. Et à partir de là, le pavé dans la mare était lancé, 9,2 teraflops. On sait ce que ça a donné niveau com. Il y a plusieurs possibilités. Hein, c'est soit Sony... Et c'était pas spécialement faux. Soit Sony qui a géré un peu quand même. Soit Sony qui a géré les fuites, mais ça j'y crois pas. Soit c'est un problème de sécurité au niveau de Sony et des développeurs. Et ça j'ai du mal un petit peu à y croire aussi quand même. Moi je dirais que vous rendez compte quand même que le marché du jeu vidéo aujourd'hui il fait plus de fuites que le cinéma. Soit et justement je vais y venir aussi, c'est la surinformation. Oui, c'est la surinformation. C'est là, c'est plus des consoles de jeux, c'est des superstars maintenant. Alors, là, on est en train de partir en cacahuète. C'est chacun donne son discours. On a dû, c'était l'émission, ça part en zob. Hein, c'est ça. À la zob. Donc voilà, libre. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Sey. C'est vrai que c'est difficile à croire, mais. Aujourd'hui, tout est possible, tout peut être fait de manière anonyme. Regarde les mecs qui ont. Qui font exprès de teaser, de balancer des trucs et ensuite qui prouvent que c'est des fakes et tout, qui s'amusent à faire ça. Tout est possible aujourd'hui, tout le monde peut prendre tout et n'importe quoi. Ça se trouve, la photo elle a été prise il y a 6 mois et balancée 6 mois après. Enfin, tu vois, on sait pas, mais ça va vite quoi. Voilà, ça peut aller vite avec un téléphone, la photo elle est montée, elle est recoupée pour pas laisser apparaître ce que tu veux pas, qui prouve qui tu es, etc. Ça se trouve, elle est postée à 50 personnes différentes et c'est la 51e qui va la mettre en ligne sur le net pour pas remonter au mec. Enfin, tu vois. Ouais, et puis la photo du dev kit, elle est sortie qu'après la publication du brevet quand même. Sachant qu'un brevet, en général, il reste 18 mois bloqué. Il reste une certaine logique quand même hein, là-dedans. Donc c'est bizarre. Le brevet est officialisé, on voit le design de la PS5, et puis quelques semaines plus tard, on voit une photo. Ah ouais, c'était bien elle, c'était bien ça. Mais disons qu'au moment où le brevet est je dirais. Semaine, je crois que t'es gentil. Ouais, hein, c'est même des jours. Ouais. Je crois que c'est même quelques jours. Hein. Mais dans des cas comme ça, je dirais qu'au moment où le brevet est publié, il y a déjà des premiers kits qui sont en route. Ils vont pas s'amuser à publier un brevet 6 mois avant. Mais après, t'as raison, ça y est, parce que ça fait de la com. La com pendant cette année 2019-2020, enfin à cheval sur les deux, elle s'est faite uniquement de cette manière. Hein. Oh, c'est du dérapage. Du dérapage total tout le temps. Bah c'était leur manière de. Enfin, pour moi, c'était leur manière de communiquer. Hein. Même comme les brevets, tous les brevets qu'ils balancent. Microsoft, justement, ils ont beaucoup plus réussi à canaliser l'information, beaucoup plus que Sony. À garder l'info. Oui, mais attends, Microsoft, c'est pas Sony non plus. T'as vu le nombre de consoles vendues ? Ce que j'essayais de dire, c'est ça, c'est qu'on n'est plus face à des consoles, c'est des superstars en fait. Ouais. Une PS5 ou la Xbox, maintenant, quand on voit le marché du jeu vidéo, combien de milliards ils gèrent, on voit que c'est plus important que le cinéma. Donc tout le monde les veut, ces données techniques de la PS5. Tout le monde veut, y compris le stagiaire, y compris le mec qui va être embauché dans une entreprise et qui va se faire virer au bout d'une semaine. Le type, il suffit qu'il discute, il prend le café avec un type en interne, il peut avoir des informations industrielles. Donc après, il suffit qu'il y ait une seule personne, c'est un peu comme c'est comme un virus, quoi. Il est intégré dans une société. Le mec, il sait que toute la Terre veut cette information, et putain, il dit, je l'ai sous les yeux, je fais une photo, mais ça se monnaie. C'est des trucs chez Bloomberg que tu peux revendre. Moi, je crois que je vais faire femme de ménage. Hein. C'est clair. Oui. Je vais faire femme de ménage, et puis voilà, je vais me faire des couilles en or comme ça. Niveau espionnage industriel, tu vois, tu entends des choses de dingue. Moi, ce que je vous disais, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que j'avais déjà vu des sociétés qui allaient le dimanche chez leurs concurrents pour glisser un billet de 500 euros aux femmes de ménage pour récupérer les poubelles. Mais ça m'étonne pas. Ah oui, c'est vrai, tu nous avais parlé. donc tout est possible. Et puis là, on est face à une superstar. C'est comme dans un film, quand un film est en préparation, on a toujours des images qui fuitent. Star Wars, par exemple, c'est superstar de film. T'auras toujours, tiens, ils sont en train de construire un X-Wing à Londres. Pourquoi ils font ça et tout. Et t'as des photos, t'as des fuites, parce que t'as tellement de monde qui sont sur cette. Tu peux pas garder l'info. Là, on parle quand même d'une console qui en est à 108 millions de. Je crois que c'est 108, hein, 108 millions de consoles vendues. Forcément, la PS5, elle est un peu plus recherchée au niveau du marché de l'information que la Xbox. Qui s'est vendu à 24 millions. La One Plus, 46 millions. Si vous le voulez bien, je pense qu'on va partir dans le vif du sujet maintenant. Alors, on va donc passer sur la partie hardware maintenant de la PS5.